Moussa alayhi salam, qui a voyagé les talab al-ilm. Il a voyagé pour étudier. Après cela, on a eu les compagnons radiallahu anhum qui ont pris exemple et qui ont voyagé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ils ont voyagé pour transmettre la science. Et lorsqu'ils étaient séparés, qu'ils étaient dispersés, les compagnons du prophète radiallahu anhum, les tabi'oun, ils ont voyagé. Une fois, j'ai fait le calcul avec des frères, un voyage, donc de Médine jusqu'en Égypte, un voyage de Médine jusqu'en Égypte pour un hadith. Juste pour un hadith. Il n'est même pas descendu, ou du moins, il est descendu de sa monture pour un hadith qu'il connaissait déjà. Un compagnon qui a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait qu'il y a un autre compagnon qui l'a entendu. Lui, il est à Médine. L'autre, il est en Égypte. Et tous les autres qui l'ont entendu, ils sont morts. Alors, il a fait le voyage jusqu'en Égypte. Il est arrivé, donc, devant cet autre compagnon. Il est descendu de sa monture. Et lui a dit, « Jitu ka min Médinati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Min ajdi hadith. » Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi satri al-muslim. Je suis venu te voir depuis la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de cacher les défauts et les péchés du musulman. Man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah. Alors, il lui a dit لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنا وأنت ما بقي إلا أنا وأنت. Il ne reste que toi et moi qui l'ont entendu du prophète صلى الله عليه وسلم. Et donc il a voyagé pourquoi? Pour réviser ce hadith qu'il connaissait déjà, s'assurer que sa connaissance, sa maîtrise du hadith, elle était correcte. Alors lorsqu'il lui a récité le hadith, il est remonté sur sa monture et il est parti. Il est parti. Lam yahulla rahlahu. Il n'a même pas défait sa monture. Un voyage de plus de 17 jours si tu ne t'arrêtes pas. Si tu ne fais pas de pause. 17 jours. Aujourd'hui, on nous dit séminaire à Paris. Séminaire à Villerue. Séminaire à Mulhouse parfois. Pour des frères qui sont à Mulhouse. On leur dit séminaire. Tu prends ta voiture, il y a la clim, machallah, tu as même ton jus d'orange avec toi, tu pars, tu assistes au cours, tu trouves d'autres canettes de jus d'orange, tu trouves même parfois des pains au chocolat en plus, machallah, tu te poses, tu écoutes ton cours, et après tu retournes chez toi. Même ça, c'est trop. Aujourd'hui, les frères, si on peut lire des livres de hadith, si on peut réviser, apprendre notre religion, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont fatigués. Il y a des gens qui se sont fatigués.